À la veille du 8 février, jour de réorganisation de l'armée révolutionnaire populaire coréenne en force révolutionnaire régulière par le président Kim Il-sung, les matelots du navire Yuen, battant pavillon togolais, ont tenu une réunion le 4 courant au port de Chongjin en Corée. Les orateurs ont dit que le grand président Kim Il-sung, partant de sa perspicacité, avait lancé la ligne de fondation en Corée libérée des forces armées régulières et le 8 février 1948, il a proclamé la naissance des forces révolutionnaires du Tse. Ils ont souligné que ces exploits brilleront à travers l'histoire. Finalement, ils ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.